Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire trifluvien de Rock de Neurones. C'est une émission consacrée au rock progressif. Et aujourd'hui, c'est animé par Jimmy Farley. Et je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures-là, on va entendre une nouveauté italienne. C'est un groupe de trois jeunes musiciens. C'est I Viaggi di Maddalene. Et ça sera suivi de Bad Dreams avec une nouveauté, un groupe argentin. On aura une nouveauté d'un groupe italien, Alumino Genie. On va retourner en Biélorussie avec un extrait de l'album récent de Worm Ouroboros. On va aller aussi en Autriche avec Blank Manuscript. Ça, c'est un groupe... on n'en fait pas jouer souvent des groupes d'Autriche, alors ils sont bienvenus à l'émission. Et j'ai une demande spéciale de Denis Guillaume, d'un ami auditeur de Bécancour, qui m'a demandé de lui proposer une pièce de Basta, un jeune groupe italien. Et je vais conclure l'émission avec Montefeltro. Ça, c'est un groupe italien qui a été actif dans les années 90. Alors, on débute avec l'album de la semaine qui va occuper le premier bloc de l'émission. Et aujourd'hui, bien, on a I Viaggi di Maddalene. C'est un groupe de trois nouveaux musiciens qui est sur la scène du rock progressif italien. Il nous propose un album homonyme qui est constitué de 10 pièces. En fait, c'est 5 introductions à 5 pièces un petit peu plus longues. La longueur des pièces varie entre 8 et 12 minutes et ça totalise pas loin de 55 minutes, ce qui est assez dans la norme là, pour un groupe de rock progressif. Alors, moi, je vous propose deux extraits tirés de cet album-là. Ça va être Gods of Distant Words, qui est chanté en anglais, et Mandy Kente en italien. Alors, I Viaggi di Maddalene. Ha ha ha ha. mind. This is the big hungry future. This is the big future. This is just for me. Alors, c'était une nouveauté d'Italie, le groupe IVIG di Maddalena, et on a entendu la pièce Mendicante, et ça a été précédé de Gods of Distant Worlds, ça, les deux pièces extraites de l'album homonyme. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec un groupe qui m'a... En fait, le groupe, je le connaissais bien, mais j'ai mon ami et auditeur Paul Beaudoin de Shawinigan qui m'a mentionné un petit peu avant les fêtes là, que Bad Dream sortait un nouvel album. Moi, j'avais complètement perdu la trace de ce groupe-là. C'est quand même un groupe récent, puis on attendait quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il y a eu un petit peu une lacune du côté promotion. Mais de toute évidence, aujourd'hui, c'est réparé grâce à Paul Beaudoin. Alors, Bad Dreams, qui vient de faire paraître Frozen Heart, c'est le quatrième album du groupe, quatrième studio depuis 2015. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 5 ans. Et la particularité de cet album-là, bien, c'est le chanteur a été remplacé. C'est Mathias Pereira qui a remplacé Gabriel Agudo. Alors, moi, je vous propose un extrait de Frozen Heart. C'est la pièce My Mind in the Cage. Et ça va être suivi par un groupe italien. Un groupe italien qu'on n'avait pas entendu depuis 35 ans. C'est Gli Aluminogeni. Groupe qui a quand même été assez connu dans les années 70. En fait, un album en 72, un album en 93, un album en 94, et maintenant, un nouvel album en 2019. Et je vous propose 3 extraits de l'album. Bien, l'album s'intitule Metafisico, et je vous propose Sogno Alabandato d'In on Estate Verde. Ça, c'est la première pièce. Ensuite, ça sera Strategia, et on va entendre, pour conclure le bloc, Radio Vitelli. Là, on débute avec Bad Dreams. We'll be right back. Yeah. e brillare sul passare del tempo per lasciare le luci all'universo. Sogno nell'infinita certezza lo splendore dell'anima mia e l'antica alchimia dei saggi ancora arriverà. Sul più bello come un fatto naturale. che l'aria le mantiene. Barche affondate tra sabbia e cielo che si distende come un velo. E la rugiada che ti piange sul seno in un dolce attimo sereno. E il vento come lucida l'erba e con un soffio spiana la terra e i giorni come corrono. Ma quando arriva la sera si riposa. Sposa, non è passato il momento, liberate le mani dal tempo, puoi volare. Spesa il mercato dei giovani, la veste più candida puoi sognare. In te è cambiata l'anima, non son cambiato io, ma sei diversa tu. Per te sono nato piena la luna. Lascia stare le brillanti idee, sono inutili e utopistiche. A piedi nudi nella realtà, senza limiti parossistici. Simbolici di mediocrità, sogni facili ma i fantastici. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien Alumino Genie. C'est trois pièces qui ont été tirées de l'album Metaphysico. Je rappelle que c'est un retour pour ce groupe-là, parce que l'album précédent date déjà de 35 ans. Alors, c'est un beau retour de ce groupe-là. Et ça a été précédé d'une demande spéciale de Paul Beaudoin de Shawinigan. Je nomme ici le groupe Bad Dreams d'Argentine. Et on a entendu la pièce My Mind in the Cage tirée de Frozen Heart. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on revient avec... un album de la Biélorussie. Alors, c'est un beau cadeau qu'on a eu le 24 décembre. C'est le groupe The Worm Ouroboros qui nous présentait son deuxième album studio. L'album s'intitule Endless Way From You. Et on a déjà entendu plusieurs extraits de cet album-là depuis le début de la saison 2020. Et je vais probablement conclure l'album aujourd'hui avec une dernière pièce. Elle s'intitule Cycles. Alors, et ça sera suivi d'un groupe autrichien, Blank Manuscript. C'est un groupe qui existe depuis une dizaine d'années. Trois albums studio, dont le dernier qui s'intitule Krasna Hora. Et je propose Shared Isolation. Alors, on débute avec The Worm Ouroboros. We'll be right back. C'était Blank Manuscript. C'était, disais-je, Blank Manuscript d'Autriche avec la pièce Shared Isolation. Ça, c'est tiré de leur troisième album, Krishna Hora. Et ça a été précédé de The Worm Ouroboros, un très bon groupe de Biélorussie. Et on a extrait Cycles, ça c'est de l'album Endless Way From You. Ça c'est paru à la fin de 2019, le 24 décembre pour être plus précis. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour conclure cette émission, on va aller du côté de l'Italie. Et pour débuter, bien, j'ai une demande spéciale d'un fidèle auditeur et ami de Bécancour, et j'ai nommé Denis Guillaume, qui aimerait entendre Basta. Basta, c'est un groupe de jeunes musiciens qu'on a eu la chance de voir il y a quelque temps déjà au festival Terra Incognita, au mois de mai, je pense que c'est 2018. Alors, Basta, qui à ce moment-là nous présentait Elemento Antropico, c'est leur deuxième album, et c'est tiré de cet album-là que je vous propose deux pièces, Esco dal Fantro et Intro. Et ça sera suivi d'un autre groupe italien qui, lui, a été actif, en fait, pas très longtemps, un album en 1992 et l'autre en 2001. Et c'est tiré de l'album de 1992, Il tempo di far la fantasia du groupe Montefeltro, qu'on va entendre la pièce Canto numéro 1. Puoi ancora sentire l'odore della terra? Riesci a vedere le persone laggiù, piccole come puntini, cercano il cielo con le spalle al muro, con le mani in tasca, allungano il collo, ti seguono con lo sguardo. Sei tu che le fai volare, stanno volando con te, per quel grammo di coraggio che ci manca, per la sensazione del vento dietro di noi, perché la nostra lingua piange fuoco e passione. E il nino Farino sta volando nel cielo. E il nino Farino adesso è nel cielo. D'improvviso la pioggia di sassi cessò. Da una nube all'orizzonte comparve allora la sagoma di un veicolo motorizzato. Tutti si fecero da parte per lasciarlo passare. Spostiamoci anche noi, devono ripulire il terreno, disse l'elefante. Ma tu da quando è che parli? Chiese Samuel. Troppo tardi per udire la risposta. Il veicolo era giunto. Thank you. cancellare.